professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment passe-t-on d'un sens concret d'une unité de mesure ou de monnaie, le talent, à un sens figuré du talent ou application des qualités de l'individu ? Comment le couple talent-mérite est-il un couple fondateur de l'histoire de la notion et de la pensée des inégalités, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Comment faire apparaître la disposition de chacun à agir lorsqu'il n'est pas contrôlé directement? Quelle est la valeur de l'autonomie? Comment le talent joue-t-il d'une définition inclusive et exclusive? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, nous entraîne sur plusieurs semaines dans une grande et passionnante enquête dans le cadre de la série de cours qu'il a initiée en 2017 au Collège de France sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Éléments de physique sociale des différences et des inégalités ?» série qu'il poursuivra en 2018. Nous sommes entrés dans une économie de la connaissance, rappelle le sociologue, où le capital humain est plus précieux que le capital matériel. Et c'est dans cette mutation que se déploie le succès de la notion de talent, notamment dans la littérature managériale. Le sociologue interroge ce matin l'étymologie de la sémantique de la notion de talent, dont nous avons pu voir depuis l'introduction générale les difficultés de définition et les paradoxes. Le talent vient-il seulement de la parabole des talents, comme on peut la lire dans l'évangile de saint Matthieu, ou est-ce plus complexe, comme le montre l'analyse des philologues qui ont pu ressusciter le sens médiéval et oublié de volonté, par exemple? Quelles énigmes réserve encore le talent et comment l'histoire de cette notion peut en éclairer les enjeux et les paradoxes? Quelle lecture sociologique peut-on faire enfin de la parabole des talents, comme le propose Pierre-Michel Menger en fin de cours? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 3 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, aujourd'hui, sémantique, étymologie et éléments d'histoire de la notion de talent. Qu'est-ce que nous apprend une étude sémantique et étymologique de la notion de talent ? Alors l'exploration que je vais faire assez rapidement, elle est peut-être un peu compliquée parce que le dossier est compliqué, il est très lourd, ce qui veut dire que cette notion a beaucoup intrigué. Mais la trajectoire de mon exploration va consister à retracer et à interpréter la conversion d'un vocabulaire de mesure, le talent c'est une unité de mesure à l'origine, en un usage si divers de la notion que la possibilité même d'une mesure s'éloigne quand s'accumulent les tentatives de définition. Voilà un assez joli paradoxe. Et comme je vous avais déjà indiqué, l'un des casse-têtes du terme de talent, c'est sa définition possible. Et on part d'une définition bien concrète et on arrive à un usage qui devient beaucoup plus incertain. À tous égards, l'impossible spécification directe, c'est-à-dire quantitative de ce que c'est que le talent aujourd'hui, en son sens moderne, doit nous renseigner sur la signification ultime de la notion et sur la prolifération de ses usages. Donc c'est un paradoxe que je vais essayer de lever progressivement pour fournir ultérieurement ma solution complète de l'énigme. Alors l'enquête peut être ordonnée ainsi. Les notices que j'ai consultées, qui sont classiques de dictionnaires, comme le dictionnaire de l'Académie française, le Littré, le Trésor de la langue française, sont donc trois périodes très différentes. 17e avec ses éditions successives pour l'Académie française, le Littré fin 19e et enfin, deuxième moitié du 19e, et le Trésor de la langue française qui est un outil extraordinairement intéressant et important qui a été constitué depuis quelques décennies récentes. Alors, cette enquête peut indiquer ceci. Le sens littéral vient du monde antique. Le talent était donc une unité de poids, talenton. Le mot grec étant traduit ensuite par talentum. Et en Grèce ancienne, il valait primitivement 19 kg 440. Vous verrez que ce poids a son importance dans la parabole des talents, avant que, comme l'indique Littré, la réforme de Solon en Grèce le porte chez les Athéniens à 27 kilos. Mais la mesure a des spécifications variables, mais de cet ordre-là et davantage. Donc, le talent désigne dans ce premier sens à la fois un poids, mais aussi une monnaie de compte, qui est équivalente à un talent d'or ou d'argent. Ensuite, le sens figuré qui est donné dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1694, c'est don de nature, disposition, aptitude naturelle pour certaines choses, capacité, habileté. Dieu lui a donné de beaux talents, un talent rare, particulier, extraordinaire. C'est un grand talent que celui de bien parler. Il n'est pas propre aux affaires du palais. Ce n'est pas son talent. Il a beaucoup de talent pour la prédication. C'est un homme qui ne manque pas de talent. Voilà des usages possibles. Et ce sens figuré est très stable. Il est repris dans les éditions successives du dictionnaire de l'Académie française. Et en 1932, dans la 8e édition, le sens figuré est courant et précisé ainsi. Talent s'emploie dans le langage courant, c'est ici, au figuré, et signifie capacité, habileté, aptitude naturelle ou acquise, supériorité dans un art ou un métier. Et vous avez des usages, des citations possibles du terme. C'est le même noyau de signification que donne Émile Littré dans la première édition de son dictionnaire en précisant l'origine de la transformation. Aptitude distinguée, capacité, habileté donnée par la nature ou acquise par le travail, ainsi dit comme l'a montré M. de Rémusat par une métaphore tirée des talents de l'Évangile. Et le Trésor de la langue française, qui est donc beaucoup plus récent, propose trois registres de cette signification figuré. Premièrement, un sens vie, disposition donnée, aptitude, capacité physique ou intellectuelle pour réussir en quelque chose. Deux, aptitude, capacité particulière, habileté naturelle ou acquise pour réussir en société et dans une activité donnée, avec des exemples, avoir des talents, se faire connaître par quelques talents. Deux, B, un sens absolu dans le domaine intellectuel ou artistique, aptitude ou capacité remarquable, avoir du talent et pas avoir un talent. Et à ce sens absolu, le Trésor de la langue française rattache un usage métonymique d'appréciation de l'œuvre d'un auteur. C'est l'ensemble des qualités d'une œuvre dénotant les capacités remarquables de son auteur. Mon noble ami, c'est plein de talent, ça, à propos d'une œuvre. Donc, le dernier usage est une métonymie qualifiant la personne tout entière ou l'œuvre tout entière. Et l'usage C, c'est une personne qui a du talent. Et c'est un vocabulaire qui, aujourd'hui, est un des vecteurs considérables de la diffusion du terme talent. On parle beaucoup des talents et plus simplement de certains talents attribués à une personne, mais du talent. C'est donc, comme je vais le dire, un vocabulaire holistique. Et j'attire votre attention sur la différence entre les sens 2 A et B ici et le sens 2 C ici. Le sens 2 A est proche de la notion d'aptitude et de capacité. Il est indexé sur une pluralité d'applications ou de domaines d'exercice d'une variété possible d'aptitudes. Et vous verrez que ça a son sens quand je discuterai l'usage du terme de talent au XVIIIe siècle. À l'inverse, les sens 2B et 2C sont des sens, comme je disais, holistiques. Ils considèrent l'individu ou ses réalisations comme une totalité à laquelle imputer du talent. Et c'est le produit de ce transport métonymique, on passe de la partie au tout, de l'aptitude à la personne considérée en sa totalité, qui est ici importante. Ce point, en effet, importe car le vecteur de la diffusion du vocabulaire du talent est précisément sa caractérisation holistique. Le talent, donc, est ce qui rend possible des accomplissements remarquables ou singuliers, comparables ou incomparables, selon la métrique de la différenciation que nous choisissons. Mais il est aussi ce qui désigne le résultat de ces accomplissements, l'imputation à la personne de qualité réputée stable. Donc, le dictionnaire me confirme dans ma proposition énigmatique qui était de dire « le talent est à la fois quelque chose qui explique et quelque chose qui est à expliquer ». Un explanand, c'est un explanandum. Et ceci est même l'une des sources de la perplexité récurrente des usagers de la notion, par exemple dans l'univers du management du personnel et des ressources humaines. Les talents sont donc les individus qui doivent manifester du talent et non pas simplement des aptitudes. Ici, l'ITRE diffère du trésor de la langue française. Le trésor de la langue française donne du talent un sens particulariste qui le rend explicitement synonyme d'aptitude. Et l'aptitude elle-même reçoit dans ce même trésor de la langue française une définition générique qui est susceptible de multiples applications, qualité rendant possible certaines performances, dit le trésor de la langue française. En fait, l'ITRE, lui, dans sa notice qu'il consacre à la notion d'aptitude, précise le rapport entre aptitude et talent. Aptitude et talent se distinguent en ce que aptitude est du langage technique, philosophique ou physiologique, tandis que talent est du langage général. D'ailleurs, l'aptitude est le moyen d'arriver au talent, et le talent est le résultat de l'aptitude et de l'exercice. L'intérêt de ce bref commentaire de l'ITRE est de désigner l'une des origines de la confusion autour de la notion. Le talent est une fonction de production. Dans la version de l'ITRE, c'est aptitude plus exercice. Mais cette fonction de production contient un élément dispositionnel. L'aptitude, comme le précise l'ITRE dans la définition qu'il donne de l'aptitude. Outre des sens techniques, en particulier juridiques ou agronomiques, l'ITRE donne en effet de l'aptitude la définition générique de disposition naturelle à. Et ici, l'ITRE est fidèle à l'origine étymologique du terme aptitude, qui est attesté d'ailleurs dans la langue française dès 1373. Disposition naturelle à quelque chose. Alors, maintenant, je voudrais examiner le problème posé par cette transposition du terme de talent, donc du sens propre au sens figuré, de l'univers de la mesure cardinale quantitative, unité de mesure de poids ou unité de mesure monétaire, ou même balance. Un des sens du terme talent en grec, c'est balance, un instrument de mesure du poids. Comment est-ce qu'on transpose ce terme de la mesure directe à l'appréciation des qualités de l'individu? Et donc, il me faut procéder à une exploration philologique au cœur de laquelle se place la parabole évangélique des talents. Et pour ce faire, comme je ne suis pas philologue de formation, je vais recourir notamment à un ouvrage de Gianni Mombello qui s'appelle « Les avatars de Talentum », recherche sur les origines et les variations des acceptions romanes et non romanes de ce terme, un ouvrage qui a été publié en 1976 à Turin. Et je recourrai aussi à un très célèbre outil qui est un monument de la philologie, qui est le Französisches Etymologisches Wörterbuch, c'est-à-dire le dictionnaire étymologique français, qui est un gros dictionnaire qu'on doit à von Wartburg et ses collaborateurs, et pour la notice sur le talent, à une philologue qui s'appelle Marianne Müller, qui a rédigé cette notice en 1965. Donc, un mot de philologie. Talenton, comme je l'ai dit, signifie trois choses, balance de mesure, poids et monnaie, et ces significations sont reprises en latin avec talentum. Et c'est à partir de cette traduction latine que se développe l'histoire de la notion, notamment en raison de la chaîne des conflits d'interprétation qu'a suscité l'exégèse

qui fut professeur ici au Collège de France entre 1947 et 1974 et titulaire de la chaire de langue et littérature française du Moyen Âge, le prédécesseur de Michel Zinc. Félix Lecoy note que l'enquête étymologique sur ce terme de talent peut paraître un sujet bien mince, mais qu'elle a pourtant mobilisé de très nombreux philologues et linguistes, y compris d'ailleurs le prédécesseur même de Félix Lecoy au collège, Mario Roch, qui lui-même fut titulaire de la chaire d'histoire du vocabulaire français entre 1937 et 1946. Et ces savants, très nombreux, après les docteurs de l'Église, eux aussi très nombreux, qui ont commenté la parabole des talents, ces savants ont été occupés à résoudre ces deux énigmes que j'ai signalées. Comment se fait-il qu'une mesure de poids et une monnaie quantifiable et divisible deviennent un trait des personnes? Et deuxièmement, comment deux significations bien différentes sont-elles apparues dans la langue et la culture latine et dans les exégèses de la parabole du talent dès les premiers siècles de l'ère chrétienne? Le sens médiéval d'envie, désir, volonté, propension, inclination, ou plus simplement attitude de l'esprit, et le sens devenu le sens moderne, capacité intellectuelle ou éventuellement physique de l'individu, qui finit par s'imposer principalement à partir du XVe siècle et par supplanter le premier. La réponse à la première question, c'est-à-dire passer d'une mesure à un trait des personnes, est clairement dépendante de la réponse à la deuxième question, deux sens dérivés. Pourquoi deux sens dérivés? Mais la condition à mettre à cette hypothèse, c'est qu'il faut éclaircir un problème de chronologie. Les deux significations qui ont été dérivées, que je viens de mentionner, envie, désir, volonté, propension ou capacité intellectuelle, est-ce qu'elles sont apparentées, éventuellement au point de remonter à une même origine? Par exemple, dans le travail d'exégèse qui a été fait sur la parabole des talents, ou bien est-ce qu'elles sont indépendantes, l'une remontant à une étymologie grecque directe et l'autre à l'exégèse des docteurs de l'Église? Et cette question a considérablement divisé les philologues. L'épais livre de Mombello le retrace dans de grands détails. Alors, j'ai consulté ce dossier et je vais en extraire quelques éléments pour vous restituer le savoir acquis, même s'il est peut-être un peu compliqué. Mais il nous livrera toutes sortes d'indices sur ce qui se passera ultérieurement. Alors, premier point, la signification figurée de talent, capacité, donc un des deux sens du mot, est clairement dérivée de la parabole des talents. Ça ne fait pas de doute. Et donc, c'est la valeur naturelle ou acquise dans quelque activité, et dit le dictionnaire étymologique très connu de Bloch et von Wartburg, souvent dans quelque activité artistique, ou la valeur, la supériorité naturelle ou acquise dans un genre quelconque, toujours dans ce dictionnaire. Donc, cette signification paraît réaliser le lien de transposition direct entre la qualité de la monnaie ou de la richesse qui conduit à la signification talent-richesse et par métonymie à l'identification de l'individu détenteur de talent à un individu de valeur. De cette transposition, on peut dériver l'une des significations de la parabole. Quiconque est détenteur de richesse, détenu sous forme de talent, est susceptible soit de les faire valoir et de les faire fructifier, comme le font les deux premiers serviteurs de la parabole, soit de les enfouir et de les laisser improductifs, comme le fait le troisième serviteur. Et comme dit le dictionnaire très célèbre aussi de Darmstädter et Hatzfeld, qui date de 1890 et 1900, enfouir son talent, c'est ne pas faire valoir son mérite. Il existe même une morale, dont Kant est d'ailleurs le propagateur, qui consiste à dire « il est immoral de ne pas exploiter ses talents et de ne pas développer ses talents ». L'autre signification du talent est donc celle de désir, d'envie, de volonté, qui est attestée dans de nombreuses sources dès le haut Moyen-Âge. Mais le problème, c'est de savoir d'où vient cette acception et quel lien elle entretient avec la première. Alors, question très débattue. Question a été posée de savoir si ce second sens, qui s'est donc effacé, n'était pas le sens primitif, issu du grec, sans transiter par la parabole, C'est l'avis, par exemple, d'un philologue italien célèbre, connu pour ses contributions fameuses aux recherches sur le mot talent à la fin du XIXe siècle, un philologue du nom de d'Ovidio. Il soutenait que cette acception talent, désir, envie était fondatrice dans les langues romanes et que si elle est tombée en désuétude en français, ce n'est pas le cas en italien. Notez un point intéressant, d'ailleurs, le mot talent connaît un usage dans les mêmes termes de talent ou talent en anglais, en français, en allemand et à peu de choses près dans beaucoup de langues. C'est un point intéressant. Donc ça peut être une monnaie universelle dont j'ai déjà parlé et vous comprendrez que un des succès de ce vocabulaire tient précisément à son caractère presque invariant dans des langues très importantes. Ce philologue, outre ce qu'il soutenait que ce sens de premier qu'il pensait primitif de talent, désir, envie était encore vivant en italien, ce philologue soutenait aussi que talent, capacité vient sans doute de la parabole évangélique, mais que la signification a été formée en s'appuyant sur la primitive, c'est-à-dire talent, volonté. Via l'interprétation suivante, le talent est une disposition de la volonté et par extension une disposition de l'ingegno, comme on dit en italien. Mais il y a d'autres recherches qui ont compliqué le dossier. Je peux vous en citer une qui a fait sensation, un linguiste italien encore, d'Ascoli, a découvert des glosses irlandaises des 7e et 8e siècles dans lesquelles le mot « taland », T-A-2-L-A-N-D, détenait selon lui la signification évidente de faculté de l'esprit, d'aptitude et de disposition. Et il s'agissait donc pour lui de démontrer que dès ces siècles-là, et même dès le 5e siècle, le terme de talent avait pris chez les écrivains chrétiens le sens de propension, d'attitude intellectuelle, d'inclination, et que ce sens n'avait rien à voir avec le terme de talent-richesse ou talent-argent. Vous comprendrez que ce débat rebondit beaucoup quand vous aurez entendu l'intégralité de ce que je livrerai dans ce cours, parce que il y va d'une distinction fondamentale entre des aptitudes qui éventuellement sont des dons de la nature, comme on sollicite beaucoup la signification de ce terme, de talent, versus des dispositions qui sont éventuellement acquises et développées sans avoir de relation directe avec un don de la nature. Et évidemment, ces deux valeurs peuvent être complémentaires et se multiplier. C'est un des principes. Mais ce sont deux significations qui peuvent emmener dans des chemins extraordinairement différents et dans des manières de considérer les individus et leurs qualités de manière extrêmement différente. Alors, quand il est confronté à toutes ces interprétations, Mombello, qui est d'ailleurs parfois submergé par l'accumulation des sources, il retrace donc cette histoire complexe de l'étymologie. Et il fait cette synthèse essentiellement sur des travaux qui se sont multipliés au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Il fait aussi l'inventaire des interprétations théologiques et patristiques. Il y en a beaucoup. Il restitue l'attribution par les théologiens du Moyen-Âge, depuis le Haut Moyen-Âge, de multiples significations. Et puis il établit des lieux et dates d'émergence de la circulation des significations romanes. Et au terme de l'enquête, il est donc bien établi par Mombello que c'est la référence à la parabole des talents qui est à l'origine de la transposition de la notion vers son sens figuré, à la faveur d'innombrables commentaires qui ont été donnés par les hommes d'Église et les théologiens. Et donc, les serviteurs dans la parabole reçoivent différentes quantités de talents, sommes d'argent, en fonction de leur capacité. Capacité désigne, selon Mombello, les différents dons faits par Dieu aux hommes dans la mesure où ils sont capables de les recevoir. Le talent est alors devenu la capacité de tirer le meilleur parti de ce que l'on a reçu. Alors, si on veut avoir une signification complète de la parabole, voilà le résumé donné par Mombello de son interprétation au terme de son exploration de ce dossier très épais et parfois très compliqué. La parabole des talents est bâtie sur deux thèmes essentiels, celui des dons que Dieu fait aux hommes et celui de l'usage que les hommes font de ces dons. Les dons de Dieu sont de deux ordres, dons naturels, matériels ou spirituels, et dons surnaturels. Les dons naturels et matériels sont les facultés physiques de l'homme, les cinq sens. Les dons naturels et spirituels sont l'intelligence et la raison et la volonté. Et les dons surnaturels sont la foi et la bonne volonté, c'est-à-dire cette grâce supplémentaire qui permet à l'homme de choisir le bien et d'accomplir des actes méritoires pour son salut. C'est un point intéressant aussi parce que le couple talent-mérite est un couple fondateur dans l'histoire de la notion et de la pensée des inégalités dans l'égalité, comme je vous le montrerai plus tard. Et Mombello poursuit, ces dons sont distribués de façon inégale selon les capacités de réception de chaque individu et inégal est aussi l'usage qui est fait de ces dons. Celui qui sait faire fructifier ses dons prépare son salut. Celui qui les laisse inactifs prépare sa damnation et la perte de ces mêmes dons. Les thèmes de fond de la parabole sont donc celui de la grâce et celui du libre arbitre, qui constituent les deux données essentielles du problème le plus difficile que la spéculation chrétienne ait eu à débattre, le problème de la prédestination. Au total, le bilan qu'établit Mombello pour résoudre l'énigme est celui-ci. La multitude de sens du mot « talent » conduit à ce classement-là, en fonction des différentes filière étymologique et philologique qu'il a reconstituée. Il y a « talentum intellectus » qui correspond en allemand à « talent sinn » qui est un « sinn », c'est « sens »,« signification », mais aussi « attitude de l'esprit ». « Verlierst du dein Sinn », ça veut dire « perds-tu ton esprit » ou « n'as-tu plus ton esprit ». « Talentum operatio » produit « talent volonté par métonymie, talentum caritas a produit talent penchant, inclination, désir, amour, talentum bona graciae a produit talent grâce, talentum bona naturae et quinque sensus a produit talent capacité physique, talent bona naturae renforcé par ingenium a produit talent capacité intellectuelle. Nous avons donc toute une variété de significations et à la faveur du succès ou du déclin de telle ou telle interprétation théologique de la parabole et des recherches incessantes d'ajustement entre ces significations de la notion et les doctrines évolutives et concurrentes de l'Église, de multiples recombinaisons de sens ont abouti, d'une manière tout à fait non linéaire, à la signification centrale du mot « talent », celle d'aptitude, qui n'était pas la signification centrale dans l'exégèse médiévale, mais qui s'est imposé dans l'ère moderne. Et Mombello donne en quelque sorte une formulation qui ressemble à un jeu de mécano, dont on a d'ailleurs pu contester la rigueur philologique, sans contester la richesse de l'enquête à laquelle a procédé Mombello. Talent grâce n'a pas survécu et ne s'est pas développé parce qu'il avait acquis chez les exégètes des sens strictement théologiques et difficiles à populariser. Aussi, talent don semble avoir eu une vie plus courte, avec cette acception très vague. Aidé par talentum bona naturae et ingenium, il a développé le sens d'aptitude, de quelque sorte que soit cette aptitude. Et cette assimilation du talent aux capacités naturelles par détachement des dons des dieux peut être attribuée à l'influence de l'humanisme post-médiéval. C'est une hypothèse notamment qu'émettent à la fois Mombello, mais les philologues allemands, qui soulignent que la transposition des dons de Dieu en dons naturels est même déjà présente dans le latin scolastique, par exemple, chez Abélard, dans les lettres d'Abélard à Héloïse, mais que c'est avec la réforme protestante, voilà un indice de l'intérêt du dossier qu'a exploré Max Weber, que ce sens s'est diffusé beaucoup plus largement. En même temps qu'à l'influence de la culture humaniste, la philologue que j'ai déjà citée, Marianne Müller, attribue en effet au milieu protestant et à l'étude de la Bible hors des seuls cercles théologiques et lettrés au XVIIe siècle, la diffusion sécularisée de la notion de talent devenue capacité intellectuelle détachable des dons des dieux. Et de son côté, c'est un processus de laïcisation et de psychologisation des interprétations bibliques qui a conduit de la notion de talent grâce opérante à celle de talent volonté, désir, état d'âme ou état d'esprit. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minger, aujourd'hui sémantique, étymologie et élément d'histoire de la notion de talent. Alors voilà, j'ai fait cette exploration philologique peut-être un peu laborieuse, mais très simplifiée au regard de l'épais dossier qu'on peut consulter. Et je reviens maintenant sur cette parabole des talents pour lui donner une lecture sociologique et non pas, évidemment, théologique. Et je me place donc dans une perspective qui n'est ni biblique ni théologique, et je vais prendre en quelque sorte la parabole au pied de la lettre pour tester l'interprétation managériale qui peut en être tirée, puisque les écrits des chercheurs en management font souvent référence à cette parabole des talents sans l'explorer précisément, sauf un auteur récent dont je citerai le travail tout à l'heure, mais dont le livre est précisément consacré à démystifier la notion de talent et de talent management. Voilà ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce que c'est que la situation décrite par la parabole? On peut l'assimiler, cette situation, à celle d'une organisation, une petite entreprise, avec un maître et ses trois employés. La parabole décrit comment est répartie la responsabilité d'administrer les biens de l'organisation en l'absence du patron. Et deux traits sont importants. Les dotations attribuées à chaque employé sont différentes. Et l'allocation est, comme on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure dans la lecture de la parabole, l'allocation est proportionnée à la capacité de chacun. Donc ce sont les traits d'une organisation hiérarchisée selon les niveaux de compétences du personnel et une organisation qui est administrée selon un principe de justice distributive, non pas égalitaire. Il existe, je vous le signale, une version différente de la parabole des talents qui s'appelle la parabole des mines. C'est dans l'évangile de Luc, et dans cette parabole des mines, la distribution entre les serviteurs est égalitaire. Mais ici, elle n'est pas égalitaire, mais c'est une justice distributive proportionnelle, une égalité de rapport, comme dans la définition aristotélicienne de la justice distributive, c'est le rapport entre la part allouée à X et la part allouée à Y, qui est égal au rapport entre le mérite de X et le mérite de Y. Les sommes qui sont confiées aux trois agents de l'entreprise, les serviteurs, sont des sommes importantes. Un talent, si vous vous référez à ma définition de tout à l'heure, c'est tout de même 19 ou 27 kilos d'or ou d'argent. Ça n'est pas mal. Et si vous prenez les deux autres, vous multipliez par 2 ou 5. Par ailleurs, la parabole place les trois serviteurs en situation d'autonomie, hors du contrôle direct et immédiat du patron qui s'est absenté pour une longue période. Retenez aussi cette valeur d'autonomie. Elle jouera, par exemple, dans la définition des différences individuelles, éventuellement de ce qu'on peut appeler talent, un rôle considérable chez Rousseau. Donc il y a une suspension de la subordination directe, puisque le patron s'en va, et les serviteurs doivent agir en son absence, qui est conçu comme le moyen de faire apparaître les dispositions de chacun à agir lorsqu'il n'est pas directement contrôlé. Autrement dit, de mettre en jeu l'autonomie de la volonté, cette faculté qui constitue l'une des définitions primitives du talent. Alors, nous devons disposer de quatre paramètres pour comprendre le comportement des employés. En tout cas, moi, j'en ai compté quatre. Deux sont spécifiés, ce sont les dotations et les compétences, les dotations étant proportionnées aux compétences, ou, si on veut, aux responsabilités, si c'est une organisation hiérarchisée avec salaire ajusté à la position dans l'organisation et aux compétences requises pour réaliser le travail prescrit par cette position, et proportionnées sur la base de la décision ou du jugement exercé par l'employeur. Et deux paramètres ne sont pas spécifiés. L'un, c'est l'information dont dispose chaque employé sur la situation. Est-ce qu'il connaît au juste la dotation des autres ? Et l'autre paramètre, c'est celui que je vais examiner tout de suite, avant de revenir à l'autre, celui de l'information. Le deuxième paramètre qu'on ne connaît pas, c'est celui de cette fameuse capacité, ce talent que chacun des employés a d'utiliser ou non au mieux les dotations reçues. Cette capacité n'est pas définie au départ, sauf par une distribution ordinale. Et vous vous souvenez de ma distinction entre distribution cardinale et ordinale. Le premier serviteur bénéficiaire de 5 talents doit, par hypothèse, être 2,5 fois plus capable, talentueux, que le second qui reçoit 2 talents et 5 fois plus que le troisième. L'un des enseignements de la parabole est qu'il y a une interaction entre la capacité, le talent, et le résultat. Mais c'est une interaction qui est curieuse. Les deux serviteurs le mieux lotis réalisent exactement la même performance. Ils doublent la mise reçue, le capital reçu. Donc, on peut supposer qu'ils ont la même aptitude à doubler la mise. Mais ils n'ont pas les mêmes ressources. Et donc, ils sont traités identiquement, d'ailleurs, par le maître, qui les félicite exactement dans les mêmes termes. Donc, sur cette base-là, il faudra découpler les aptitudes des ressources et des positions occupées dans la hiérarchie de cette entreprise domestique en supposant que les ressources allouées ont été proportionnées à la position de chacun dans la hiérarchie de l'organisation et pas à ses capacités. L'interaction entre l'aptitude et les résultats intrigue aussi pour le motif suivant. Ceux qui ont réussi l'épreuve, c'est-à-dire doublé la mise, ne disent rien. Mais celui qui a délibérément échoué ou qui a renoncé à affronter l'épreuve, lui, il prend la parole pour se justifier et pour manifester sa défiance à l'égard du maître et de son comportement prédateur. Il accuse son maître d'être un prédateur, de semer ou de récolter là où il n'a pas semé, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de comportement et donc cette manifestation d'une absence de talent ou la protestation contre l'épreuve refusée de faire fructifier son talent? On peut encore ajouter cette autre question qui est complémentaire, cette fois-ci en retournant la relation entre la dotation et la performance dans l'autre sens. Donc, je fais pivoter la relation entre dotation et performance. Si les deux serviteurs le mieux dotés ont eu la même performance, doublé leur capital, pourquoi donc étaient-ils dotés différemment ? La différence de dotation relèverait-elle de l'arbitraire du jugement subjectif du maître ? Ça, c'est une hypothèse que suit Adamsen. C'est-à-dire que deux individus également capables sont dotés et rémunérés différemment ou même plus radicalement sont placés dans des positions hiérarchiques différentes alors qu'ils ont la même performance et que donc c'est l'arbitraire total de l'employeur qui agit ici. Ou alors, est-ce que cette différence de dotation relève d'une simple conception fonctionnelle de l'aptitude, l'aptitude à occuper une position dans l'organisation sur la base de qualités démontrées? Et si tel était le cas, et puisque les deux employés ont doublé leur mise et ont un niveau de performance donc identiquement élevé, nous aurions en quelque sorte une version inclusive du talent. L'excellence à tous les étages de l'organisation performante, comme on dirait en littérature managériale. Mais alors, pourquoi est-ce que le serviteur moins bien loti s'écarte de ce niveau de performance supposé constituer un idéal inclusif ? Alors, la parabole du talent indique que l'allocation de chaque employé est proportionnée à sa capacité. Et elle n'en dit pas plus sur le terme de capacité. Donc, maintenant, je vais reformuler le problème de la parabole. La situation de départ était, mettons dans le jargon managérial, ce qu'on appelle une définition inclusive du talent. Tout le monde a des capacités, même si c'est en quantité inégale, et doit recevoir de quoi les développer, les talents sont des ressources destinées à les mettre en œuvre et à les développer, ces capacités. Même si la hiérarchie de l'organisation rappelle que ces capacités sont inégales, sans qu'on sache rien sur cette inégalité, sinon que c'est un fait de correspondance structurale entre des capacités et des positions. Mais la situation d'arrivée est une situation exclusive. Et nous basculons donc d'une justice distributive dans ce qu'on appelle une justice rétributive des récompenses et des punitions. Transposé dans le monde des organisations, l'argument de la capacité se situe à l'intersection entre deux spécifications. La détention d'une compétence propre à permettre d'exécuter telle ou telle tâche ou activité, capacité comme skill ou qualification, être qualifié pour, être en capacité de, c'est même un vocabulaire qui a cours dans le monde juridique et dans le monde des avocats, avoir sa capacité. Et deuxièmement, l'argument d'un potentiel, d'une qualité générique propre à permettre à son détenteur de réaliser durablement ou à long terme une performance. Nous sommes ici dans une conception de type aristotélicien de l'action et de l'acteur. Non pas simplement exécuter un acte, mais déployer des possibilités qui font passer la capacité de la virtualité de la puissance, dynamis, à l'actualité de l'action, la réalisation. Il est sans doute assez vain de vouloir séparer la notion de talent de celle de potentiel. En fait, ce sont les deux faces d'une même monnaie. Ça tombe bien, le talent est une monnaie. C'est un couple notionnel banal dans la littérature managériale et dans la psychologie de la personnalité et de son développement, telle qu'elle a été appliquée à l'éducation, au travail ou au comportement en organisation. L'une des caractérisations habituelles du talent en organisation, quelle que soit cette organisation, fait référence au fameux haut potentiel, à ceux qui ont le potentiel, mettons la capacité espérée, comme on dirait en vocabulaire économique, expected ability, d'atteindre de hauts niveaux d'accomplissement ou de hauts niveaux de responsabilité au sein de l'organisation. L'assimilation du talent à une dotation en capacité induit d'elle-même la sémantique du développement, du passage de la virtualité à l'effectivité. Et c'est tout le motif de la précocité des manifestations du talent au stade du développement de l'enfant ou de l'identification de ses capacités scolaires, puis dans le monde de l'entreprise, le motif de la sélection dynamique des talents selon le principe du placement sur des voies rapides d'accumulation d'expériences professionnelles diversifiées de celles et de ceux dans lesquels l'organisation décide d'investir particulièrement pour les conduire aux positions supérieures en accélérant l'acquisition d'une gamme élargie de compétences. Cette temporalité d'identification et de développement à partir de signes avant-coureurs, comme on dit, ou de créances, des diplômes, autorisant plus aisément le pari sélectif, a tout à la fois une dimension prédictive et une dimension autoréalisatrice dans la compétition. Je reviendrai plus tard sur cette dimension d'expression conditionnelle des capacités et du talent que recèle la notion de potentiel, car son examen permet de montrer que le talent est indissociablement conçu comme un capital, on l'a bien vu, le produit d'un don ou d'une distribution a priori, qui combine des éléments hérités et des éléments acquis, comme un processus, le cœur d'une fonction multiplicative de production, j'ai quelque chose, il faut en faire quelque chose, et comme un horizon de développement dans une organisation, en carrière ou en mobilité verticale et horizontale. Dans la parabole des talents, on trouve d'ailleurs cet horizon aussi, puisque le maître félicite ses serviteurs et augmente en tout cas la rétribution ou le gain du premier. Tout ça est très exactement ce que contient en effet cette parabole des talents. À partir d'une distribution inégale des capacités, un capital est donné en quantité assortie à la capacité, un comportement fait ou non travailler le capital et un résultat est observé. Une contribution à l'augmentation du capital de l'entreprise ou pas. La parabole a ceci de remarquable, qu'elle fait varier la propension à développer ce capital en fonction de la quantité initialement reçue. Alors, cette parabole est très fréquemment citée dans la littérature managériale comme une illustration de ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est un effet qu'a intitulé ainsi Robert Merton, le grand sociologue des sciences, qui a identifié dans cette parabole des talents le premier exemple du mécanisme de l'avantage cumulatif. Merton travaillait sur le monde des sciences et des réputations et de la productivité scientifique, dans la recherche scientifique, et il dit ceci, ceux qui sont davantage dotés en aptitude, en visibilité, en ressources dérivées de leur réussite initiale, recevront encore davantage de ressources, de revenus de reconnaissance, d'opportunités d'accroître leurs ressources, leur crédit scientifique ou leur capital de notoriété. Et symétriquement, il y a un mécanisme de désavantage cumulatif qui agit en sens inverse pour diminuer les chances de ceux qui ont démarré moins bien. Et appliqué au monde de l'entreprise, cet argument sert à illustrer cette pratique courante dont j'ai déjà parlé, d'accélération sélective des carrières, par exemple en les plaçant sur des fast-track de haut potentiel. J'en viens maintenant au deuxième paramètre de cette parabole des talents qui nous manque et qui est nécessaire pour comprendre le comportement des employés. La parabole insiste sur la relation verticale des serviteurs face au maître, mais ne dit strictement rien sur la relation horizontale entre les serviteurs. Le deuxième paramètre dont je veux parler, c'est la connaissance qu'a ou n'a pas chaque employé de sa situation relative et de sa dotation relative en comparaison de celle des autres. La question mérite en effet d'être examinée car elle contient l'une des définitions de l'inégalité, celle qui est construite sur la perception relative des écarts et sur le sentiment d'injustice que cette perception peut alimenter. Et ici, il faut donc construire un espace de comparaison. La dotation de quelqu'un doit être rapportée à un espace de comparaison pour être qualifiée. Et plus cet espace de comparaison implique des individus qui sont proches de vous, plus l'inégalité peut être ressentie comme illégitime. C'est le fameux mécanisme de ce qu'on appelle la frustration relative. Je me sens plus frustré par rapport à des gens qui sont proches de ma situation que par rapport à des gens qui sont extrêmement loin ou à des niveaux stratosphériques de richesse ou de réussite. Notons que dans la parabole, il n'y a pas d'interaction entre les trois serviteurs et donc il n'y a d'interaction entre les serviteurs et le maître qu'après son retour. Nous ne savons donc pas très bien si le fait d'avoir alloué les sommes différentes aux trois serviteurs et sur la base de leurs capacités peut agir sur leur comportement dans la relation de subordination au maître. Et nous ne savons pas du tout si ce fait d'une allocation différente agit sur la relation possible entre les serviteurs en déclenchant, par exemple, ce mécanisme de frustration relative. À supposer que chacun puisse être informé de sa situation par comparaison avec celle des deux autres. Et nous ne savons d'ailleurs pas non plus s'ils communiquent entre eux. Qu'est-ce que tu as eu? Comment tu te débrouilles? Etc. Nous pouvons donc nous interroger pour savoir si l'allocation à chacun des trois serviteurs d'une somme différente est une information privée ou au contraire si elle est connue d'emblée de chacun ou si elle fait surface dans la période où chacun agit en l'absence du maître. Et nous pouvons encore demander si chaque serviteur est en mesure ou non d'observer le comportement des deux autres pendant l'absence du maître. C'est-à-dire si les caractéristiques du jeu, comme on dit en théorie des jeux, c'est-à-dire dotation initiale et investissement à partir de la dotation initiale, si ces caractéristiques sont de connaissances communes, comme on dit, c'est-à-dire observables par chacun ou pas. Et donc, en fait, le but plausible de la parabole, c'est de délivrer son message à partir d'un scénario de zéro communication horizontale entre les serviteurs. C'est la relation verticale au maître ou à Dieu qui seule compte et c'est la responsabilité seule de l'individu, une fois qu'il a été doté d'un capital par le maître, employeur ou Dieu, qui doit guider son comportement et le déterminer à agir. Autrement dit, et c'est l'une des clés du raisonnement sur le talent comme dotation et disposition, il faut que l'individu agisse de manière absolument autonome, au sens étymologique du mot, en se donnant à soi-même sa propre loi, son propre principe de gouvernement de soi, faute de quoi on entre dans la complexité des interactions entre les facteurs de dotation, la motivation et l'incitation à agir. Et la prise de parole du serviteur le moins bien doté illustre ce mécanisme. Il se place en situation de conflit et il prend la parole. Je cite ici le titre d'un essai fameux de Albert Hirschman, c'est « Voice contre loyalty ». Les deux premiers serviteurs sont loyaux et le troisième, il proteste, il prend la parole. Moyennant quoi, il n'exploite pas son talent. Alors, ces questions que j'ai soulevées dans ce commentaire sociologique de la parabole visent à déterminer à quelle organisation nous avons exactement affaire dans la parabole du talent. Dans cette parabole, la situation de départ et le résultat soumis au jugement du patron à son retour paraissent correspondre à ce qu'un courant managérial dénomme la différenciation ou la segmentation a priori, généralement fondée sur une situation de forced ranking, c'est-à-dire on classe de manière forcée la main-d'œuvre. L'argument, c'est qu'il existe trois types de travailleurs, les A-players, dont les performances sont remarquables, les B-players, dont les performances sont bonnes, normalement conformes aux attentes et situées au centre d'une distribution gaussienne de la performance, et les C-players, dont les performances sont médiocres et qu'il convient de remplacer ou de ne pas renouveler. C'est à peu près ce qui se passe dans cette parabole. Point important, dans ce genre de modèle, la distribution ainsi formulée des qualités des individus est fondée notamment sur des hypothèses dispositionnelles. Dans les essais que j'ai consultés sur ce sujet, on parle de « a person's inherent qualities of mind and character ». Donc, vous retrouvez les différents sens du mot « talent ». Et cette structure hiérarchique est l'une des dimensions de la situation décrite par la parabole. Elle désigne une conception purement ordinale du talent. Mes questions sur les informations et sur les interactions entre les employés visent aussi à évoquer l'importance que peut avoir chacun des acteurs sur la situation respective et sur ce que la structure de l'information peut avoir d'incitatif ou de désincitatif dans un contexte de traitement individualisé ou méritocratique à chacun selon sa situation et selon ses capacités. Et en fait, il est courant dans la recherche économique et sociologique d'examiner comment se comportent les membres d'une organisation dans laquelle les rémunérations, salaires, primes, avantages en nature, etc., peuvent varier beaucoup pour un même emploi, en fonction de mécanismes incitatifs de rémunération individualisée. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 3 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, aujourd'hui sémantique, étymologie et éléments d'histoire de la notion de talent. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur » et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus », un sujet d'actualité. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion de talent et de son histoire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.